Le groupe rock fondé en 1971 par Paul McCartney, c'était un an après la séparation des Beatles. Wings sur France Bleu Bourgogne. Échauffez-vous, France Bleu Bourgogne passe en mode 200% sport. Émission exceptionnelle à l'occasion de l'inauguration du nouveau Krebs de Dijon qui accueillera les équipes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Travaux, innovations, sportifs et personnalités, vous saurez tout sur ces équipements qui feront rayonner le sport bourguignon à travers le monde. France Bleu Bourgogne en direct du Krebs de Dijon ce mercredi entre 17h et 19h. Quand vient la nuit noire, le programmateur de France Bleu a carte blanche. Les collectors, de France Bleu. C'est nos limites sur les pépites. Le son qui met tout le monde d'accord. France Bleu Collector, chaque soir, 23h. 16h-18h, culture et patrimoine en Bourgogne. Et au vu de l'actualité très lourde en ce moment, France Bleu a très envie de vous changer les idées et vous invite à un spectacle drôle, très drôle même, celui de Jal. C'est un humoriste incroyable, au sketch déjanté, mais alors sans aucun tabou. Il va utiliser tous les préjugés pour les exagérer à l'extrême et vous en faire rire. Là, c'est formidable. Ce qui est hallucinant, c'est vos prix. J'ai pris le taxi, j'ai à peine posé mon cul, il y avait écrit 10 francs suisses. J'ai sorti, j'y vais à pied, laisse tomber, j'y vais à pied. J'ai dit, sinon je conduis, c'est mieux, voilà. À un moment, j'ai stoppé, j'ai dit stop. Il m'a dit, on a fait que 200 mètres, j'ai 15 francs sur moi. La Suisse, c'est bon, mais c'est vrai que c'est cher. Voilà un petit extrait de son spectacle de Montreux en Suisse. Il a fait des tournées à guichets fermés en Suisse, en Belgique et en France. Et il va venir chez nous au Cèdre de Chenôve. Ça sera demain soir dès 20h. Et vous y serez. On vous offre vos places maintenant si vous me donnez le petit surnom bien connu des habitants de Chenôve. On appelle ça les Bombis ou les Chenobis. Si vous avez la réponse, vous nous appelez dès maintenant au 03 80 42 15 15. Et on vous offre vos invitations pour aller voir le spectacle humoristique de Jal. Ça sera demain soir au Cèdre de Chenôve. Pendant que vous nous appelez, on a prévu Cure. Maintenant, on va essayer Close to Me sur France Bleu Bourgogne. I made myself sound. avec Klaus Tomy sur France Bleu Bourgogne. Il est 16h24, on a une grosse pensée à vous qui êtes encore au travail. Certains écoutent aussi la radio pour jouer avec nous, comme Michel de Chenauve. Bonjour Michel. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Très bien. Journée de boulot finie? Oui, ça y est. Vous faites quoi de beau dans la vie? Je garde des enfants à domicile. C'est pas facile, hein, ça bouge partout, partout, partout, c'est fatigant la fin de la journée. Ça. Ils sont très actifs. Effectivement. Michel, c'est très facile hein, la question pour vous, surtout quand je vois où vous habitez, puisque vous êtes de Chenauve. Tout à fait. Alors, on va vous offrir des places pour aller voir Jal en spectacle, si vous me répondez à cette question qui va me sembler facile du coup pour vous. C'est quoi le petit surnom des habitants de Chenauve? Alors, c'est les Bombis. Les Bombis, et ça vient d'où alors? Alors, c'est surtout les natifs de Chenauve, les Bombis. Oui, mais vous savez d'où ça vient? Alors, je sais que c'est depuis Louis XIV, ça doit dire le bon pain de quelque chose. Effectivement. Ben voilà, je n'ai pas besoin de l'expliquer, vous êtes meilleur prof d'histoire que moi pour le coup. Louis XIV, voilà, il a visité la région, puis il a vu un vigneron, et puis il lui a demandé si son pain était bon, et celui-ci a dit le bon pain bis, voilà, donc c'est devenu au fil du temps les Bombis. Bravo à vous, Michel. Eh bien écoutez, vous allez pouvoir rigoler avec Jal qui va venir au Cèdre de Chenauve. Vous le connaissez? Super. Alors j'ai déjà en tête les phrases cultes de Loulou Coupe-Terre, mais sinon je ne connais pas plus. C'est vrai, quand j'ai revu ces vidéos, je me suis dit, cette voix me dit quelque chose. Mais évidemment, c'est lui qui faisait le Louloucopter. Voilà, bah vous allez pouvoir rigoler, il fait des guichets fermés partout en France. Vous y serez au Cèdre de Chenauve demain soir, c'est cadeau. Merci beaucoup. À très bientôt, au revoir Michel. Au revoir, à bientôt. Au revoir, et puis restez avec nous, surtout dans quelques minutes, le point météo, le trafic, ensemble on va voir ça. Juste après Etienne Dao et Vanessa Paradis, tirer la nuit sur les étoiles sur France Bleu. À la frontière de nos interdits, interdits. Surfer sur une mer légère quand la nuit éclaire nos folies ordinaires. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. Tire la nuit sur les étoiles. Étienne Daou et Vanessa Paradis, Tirer la nuit sur les étoiles sur France Bleu Bourgogne. Il est 16h29. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons. Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Ah, oh, mais c'est très bien, ça. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie ? Oui, et j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin, près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Bourgogne, ici, on parle d'ici. Il est 16h30 sur France Bleu Bourgogne. Comment ça se passe au niveau de la météo? Bah, c'est gris couvert avec des averses sur une bonne partie de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire. Et ça sera le cas aussi cette nuit avant le retour d'éclaircies demain matin et demain après-midi. Eh bien, il y aura aussi le retour d'averses. Voilà. Ce qui fait que la météo de demain sera un copier-coller de celle d'aujourd'hui. Ça va commencer avec du beau temps et se terminer avec de la pluie et des températures qui seront de 12 degrés demain matin à Autun, 14 au Creusot, à Montigny-sur-Aube, à Issurti, à Montbard, à Saulieu, à Toulon-sur-Arroux. Il va faire 15 à Mirebeau-sur-Bèze, du côté de Dijon. Et puis demain après-midi, on attend du 16 degrés à Saulieu et au Creusot, 17 à Châtillon-sur-Seine, à Aussonne, à Chenauve-Dijon, à Meursault et Autun, et 18 degrés du côté de Montbard et de Chalon-sur-Saône. Comment ça se passe sur la route? Bon, on sent que les gens commencent à sortir un petit peu du travail. C'est votre cas, vous êtes actuellement sur la Lino. Vous venez de QTD, là, vous êtes à la hauteur de la 8 en direction de la Toison. Bah voilà, ça commence déjà à être pas mal saturé. Pareil pour vous qui êtes sur la Rocade, du coup, à l'approche de la Toison. Pour vous qui venez d'Asnières-les-Dijon aussi en direction de la Toison. Voilà, c'est le gros point noir, hein, comme à chaque fois. C'est où que ça bouge aussi? Je vois qu'il y a quelques ralentissements sur l'avenue Champollion, dans le centre-ville, les grands axes de Dijon, évidemment, à 7h06, c'est un classique. Rien d'autre à vous signaler, en tout cas, sur les autoroutes de Bourgogne. Si vous rencontrez quoi que ce soit, vous nous appelez 03 80 42 15 15. Le 16-19 de France Bleu Bourgogne. Ludovic Godillère. Vendredi, ça sera le coup d'envoi du week-end et surtout les vacances. Alors ça, vos enfants l'ont pas oublié, hein. Généralement, les vacances d'octobre, c'est synonyme de bonbons, d'Halloween, de citrouilles et d'horreur. On a trouvé deux sorties à ne pas rater ce week-end sur le thème d'Halloween, avec la fête de la sorcière et sa citrouille, et puis un voyage dans un train à vapeur légèrement hanté. On a aussi dans l'idée de vous offrir une soirée en tête-à-tête avec Philippe Lachaud et Tarek Boudali. Oui, ils vont venir chez nous en Côte d'Or pour vous faire découvrir une avant-première, et on va vous y inviter. Juste avant, il y a Zaz qui va pas tarder, et Sting maintenant sur France Bleu Bourgogne. Sky. Cherchez plus, c'est la bonne fréquence. France Bleu Bourgogne. Sur le chemin de ma quête, je guette les imprévus, les à côté. C'est pas la fin qui m'intéresse, je sais que la vie m'a déjà tout donné. Sur la route avant tout, sur la route avant tout. Quand je doute et que je prends des cours, respiration, une destination et je rejoins. Sin nadie detrás. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Caminar sin pensar la altitud. Cuando no veas salidas, recuerda que el bosque es más grande que tú. Que el bosque te encuentre. Zaz sur France Bleu Bourgogne. Il est 16h39. Courage à vous si vous êtes au travail. Comme chaque année, le mois d'octobre va permettre à Berle-Châtel de devenir un haut lieu de rassemblement des sorcières et des citrouilles. C'est plus qu'une fête, hein, c'est une véritable folie ensorceleuse qui va envahir ses habitants. Même les crapauds seront de sortie, c'est pour vous dire, avec des artisans locaux qui seront aussi présents pour vous faire découvrir des produits made in Bourgogne, des costumes, un feu d'artifice, des chevaliers cartonnés. L'événement a tellement pris d'importance que sa réputation a dépassé les frontières du département. Rendez-vous donc à Berle-Châtel ce week-end à la fête de la sorcière et sa citrouille. Autre événement halloweenesque, le conducteur et le chauffeur de la locomotive à vapeur de Bligny-sur-Ouche laissent les commandes à des zombies. Et c'est vous qui serez dans les wagons pour ce train d'Halloween. Nouveau concept cette année. En plein milieu du trajet, le train n'aura pas d'autre choix que de s'arrêter en pleine voie, ne pouvant aller plus loin suite à la présence d'un wagon hanté. Seuls ceux qui oseront monter dans ce wagon, transformé en maison de l'horreur, permettront au train de rentrer à Bligny-sur-Ouche. Les réservations sur traindelouche.fr. Et puis ça, c'est prévu ce dimanche, le 22 octobre, à 14h30. Rencontrer Philippe Lachaud et Tariq Boudali, ça vous dirait, lors d'une avant-première à Dijon. Ça, c'est ce que l'on va vous offrir dans quelques minutes sur France Bleu Bourgogne, juste après Cool and the Gang avec Fresh. Can't be, no one. C'est sympa ça pour sortir du boulot, hein. C'est fait exprès, c'est cadeau. Coulant de gang avec Fresh sur France Bleu Bourgogne. La Coupe d'Europe et le basket sont de retour sur France Bleu Bourgogne ce mercredi soir. Coup d'envoi à 20h de cette première journée européenne. La JDA Dijon reçoit Vilnius. C'est à suivre en direct en intégralité au Palais des Sports avec Adrien Beria. Ils veulent passer des vacances tranquilles, ne pas jouer pour cette trêve hivernale. Eh bien, ça tombe bien. Ça commence contre ce club lituanien ce mercredi soir. Il faut gagner pour pas avoir de match cet hiver. Eh bien, vous savez quoi? Tout ça, ça va être à suivre sur France Bleu Bourgogne. On se donne rendez-vous ce mercredi soir dès 20h. 16h-18h, culture et patrimoine en Bourgogne. Est-ce que ça vous dirait de rencontrer Philippe Lachaud et Tarek Boudali? Ils viennent chez nous en Bourgogne et vous allez passer la soirée avec eux samedi soir dès 20h45 au cinéma Pathé Dijon pour découvrir en avant-première et avant tout le monde leur nouveau film 3 jours max. Alors pour l'histoire, on se souvient de Ryan, un policier maladroit, héroïque malgré lui dans 30 jours max. Là, cette fois-ci, il va se retrouver confronté à une situation incroyable. En fait, sa grand-mère a été kidnappée par un cartel mexicain et il aura seulement 3 jours pour la libérer aux côtés de ses fidèles collègues. Il va vivre des aventures complètement folles entre Paris, Abu Dhabi et le Mexique. Déjà, ça annonce la couleur. Après le film, vous pourrez débriefer dessus avec l'équipe du film qui sera présente dans la salle avec vous. Et pour gagner vos invitations pour l'avant-première du film 3 jours max, eh bien, c'est simple, vous jouez dès maintenant au standard. Hein. Je vous pose une question avant, évidemment. Quel est le nom du premier film de Tarek Boudali? Est-ce que c'est Épouse-moi mon pote ou c'est Alibi.com? 03 80 42 15 15. Si vous avez la bonne réponse, vous nous appelez maintenant. Et voici Billy Joel sur France Bleu Bourgogne. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend on. So on adore. Billy Joel avec Honesty sur France Bleu Bourgogne. Il est 16h50. Vous allez sans doute sortir du boulot bientôt, ce qui est peut-être le cas de Séverine, là, qui était avec nous de Dijon. Bonjour Séverine. Allô Séverine. Oui, bonjour Ludovic. Comment allez-vous? Oui. Ça va bien? Ça va très bien. J'ai l'impression qu'il y a un sacré décalage en fait, Séverine. Séverine, est-ce que vous avez la réponse? Pourtant, je suis pas loin, je suis sur Dijon. Hein. D'accord. Écoutez, il y a un sacré décalage. Séverine, je vais vous poser la question que j'ai posée tout à l'heure pour vous offrir des places pour aller voir l'avant-première du film 3 jours max avec Philippe Lachaud et Tarek Boudali. Quel a été le premier film de Tarek Boudali? Est-ce que c'est Épouse-moi mon pote ou Alibi.com? Épouse-moi mon pote. Eh ben, c'est une bonne réponse. C'était en 2017, son premier film. Ah oui. Il était vraiment exceptionnel. Vous allez pouvoir le rencontrer, Tarek Boudali et Philippe Lachaud, puisque samedi soir à 20h45, ils seront au cinéma Pathé Dijon pour vous faire découvrir le film 3 jours max. Donc, vous verrez le film. Et puis après, vous pourrez les rencontrer, parler avec eux, puis débattre un petit peu avec eux sur ce film et avoir plein d'infos croustillantes sur comment il a été tourné. Eh ben, c'est parfait, au top, j'adore ce qu'il fait et c'est toujours un moment de plaisir et de rigolade. Ah bah c'est sûr. Vous allez pouvoir en profiter pleinement. On vous embrasse, Séverine. À très, très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Et puis, juste avant de retrouver une émission sport qui va s'appeler 200% sport. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. On a mis le paquet aujourd'hui, émission spéciale. On vous dévoile tout ça juste après. Oh, chi, je partirai sur France Bleu Bourgogne. Cherche la lumière en moi. Dans mon corps, il doit bien y avoir ça. Dites-moi, si on ne m'aime plus tant que ça. Ici la haine tue, putain, je ne comprends pas. Pourquoi moi, je leur sers d'appât. Je pars.

France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Bourgogne. Il est 17h, bienvenue sur France Bleu Bourgogne. Tout de suite, ce sont vos infos. Toute l'actualité présentée par Christophe Tourné. Christophe, c'est l'événement du jour et on vous fait vivre sur France Bleu Bourgogne en direct ce soir. Oui, France Bleu est en direct du Creps de Dijon. À 10 mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, le centre de ressources, d'expertise et de la performance sportive inaugure ses nouveaux locaux après 25 millions d'euros de travaux. C'est en présence de très nombreux athlètes. On vous fait découvrir les coulisses et les nouvelles installations pendant ces deux prochaines heures avec vous, Clément Lebas et Adrien Beria. L'actualité sportive, c'est aussi un gros match pour nos basketteurs dijonnais de la JDA en Ligue des Champions. Ils reçoivent les Lituaniens de Vilnius à 20h au Palais des Sports. Un match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Bourgogne à partir de 20h. Et puis en foot, c'est ce soir que se déroule le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France. On saura qui seront les prochains adversaires du DFCO, mais aussi des clubs d'Issolonger et de l'ASPTT Dijon. 24 Français sont morts, 7 sont portés disparus et plusieurs probablement sont toujours retenus en otage dans la bande de Gaza. C'est le dernier bilan français donné par Elisabeth Borne après l'attaque du Hamas en Israël. Un bilan donné devant le Sénat cet après-midi. Paris aura par ailleurs rapatrié d'ici ce soir 3500 Français d'Israël depuis l'attaque terroriste du Hamas, précise la Première Ministre. On apprend par ailleurs ce soir qu'Israël autorise l'entrée d'aide humanitaire dans Gaza depuis l'Égypte. Allô, bonjour, c'est le gendarme Fournier de la brigade financière de Dijon. Si vous recevez ce genre de coup de fil, attention, c'est une arnaque. Des escrocs se font passer pour des gendarmes et sous prétexte de bloquer une arnaque, ils demandent d'aller acheter une carte téléphonique prépayée et de leur en donner le numéro. Il ne faut pas donner suite, mais vous êtes en revanche invité à récolter un maximum d'informations pour les livrer aux vrais gendarmes. On vous explique tout en détail sur francebleu.fr. C'est une belle opération. Les Doigts qui rêvent à Talent organisent une collecte de boutons. Cette maison d'édition associative conçoit des livres adaptés aux enfants malvoyants et non-voyants. Et ces boutons serviront justement pour le prochain livre. La collecte est ouverte jusqu'à fin novembre. On vous met les coordonnées de l'association sur francebleu.fr. L'association espère récolter au moins 800 boutons. La météo en Bourgogne, la pluie est de retour, Clément Lebas. Oui, la pluie est de retour. Alors demain matin, on risque tout de même de revoir un peu de rayons de soleil, mais ça va tomber comme cet après-midi. C'est ce que prévoit Météo France pour demain dans l'après-midi. Pour les températures, on sera entre 12 et 15 degrés demain matin. Pour demain après-midi, il fera 16 degrés à Saulieu, 17 à Châtillon-sur-Seine, à Auxonne ou encore à Chenauve, 18 degrés à Montbard, Chalon-sur-Saône. Et au niveau de la route maintenant, eh bien sachez que toujours il y a des complications dans le centre-ville de Dijon. Ça commence également à devenir un peu plus compliqué au niveau du rond-point de la Toison d'Or lorsque vous venez d'Asnières-lès-Dijon. Sinon, pas d'autres soucis particuliers. Si vous voyez un incident, accident, appelez-nous 03 80 42 15 15. France Bleu Bourgogne, 200% sport jusqu'à 19h. Clément Lebas, Adrien Beria. Alors oui, Adrien Beria est avec moi cet après-midi et ce jusqu'à 19h pour vous faire suivre l'inauguration de ce tout nouveau Creps. Alors Creps, qu'est-ce que ça signifie? C'est ce centre régional d'éducation physique et sportive. Il y en a 17 en France et puis bien à Dijon, celui-ci va nous permettre d'avoir, on l'espère, de grandes performances des bourguignons. Alors pour nous accompagner cet après-midi, vous allez voir des sportifs de haut niveau, des anciens sportifs, également le préfet de la région Franck Robin qui sera avec nous, la présidente de la région également, et puis un cycliste professionnel que vous connaissez peut-être, Jérémy Cabot. Mais également autour de moi, Richard qui réalise cette émission avec Jean-François, c'est Sylvie qui vous attend au 03 80 42 15 15. Inauguration du nouveau Creps en direct sur France Bleu Bourgogne. Et Adrien Beria se balade. Alors Adrien, je vais pas oublier Eddy, notre régisseur, et David également pour la technique, parce que sinon déjà je vais pas pouvoir rentrer et puis ils vont me retrouver très très vite. Et mais vous êtes déjà en train de vous balader parce que vous n'aimez que ça, Adrien Beria, prendre votre mal en patience et se balader un peu partout dans ce qui se passe au niveau sportif de Dijon, quoi. Je me balade effectivement. Bonjour Clément, bonjour à tous. Je suis à quelques dizaines de mètres de vous. Vous êtes installé sous une tente bleue au milieu de la pelouse du Creps à Dijon et moi je suis dans une toute nouvelle salle, ce qu'on inaugure aujourd'hui. On va en reparler. C'est un endroit pour la performance des athlètes, pour faire de la musculation, pour récupérer aussi. Je suis avec Denis Clé, qui est ancien sportif, responsable de l'accueil des délégations sportives. Bonjour Denis. Bonjour. Je vais vous poser une question pas facile du tout, vous allez voir pour commencer. En un mot, comment résumer ce qu'est le Creps et quel est le rôle du Creps? Alors oui, c'est un peu compliqué. En un mot, hein. En un mot, ouais, super compliqué. En gros, il y a trois missions hein, au Krebs, hein, surtout une mission sur les athlètes et les sportifs de haut niveau, voilà, ceux qui viennent s'entraîner ici. Une mission sur la formation, hein, où on passe des diplômes sportifs pour être coach dans une salle de musculation ou être coach de handball, par exemple. Et puis la dernière mission, évidemment, c'est l'accueil, où là, nous, on accueille voilà, tout type de public, hein, des clubs, des associations sportives, des séminaires, ainsi de suite, où on loue des salles. Et voilà, ce sont les trois grandes missions, je dirais, du Krebs. Bon, le Krebs, c'est the place to be quand on est un athlète en devenir ou qu'on est un athlète déjà confirmé, mais qu'on a besoin de s'entraîner. Denis, on est dans cette toute nouvelle pièce. C'est immense. C'est haut de plafond chez vous. Il y a pas mal d'appareils de musculation. C'est ce qu'on inaugure aujourd'hui. C'est le C2PA. C2PA pour? Voilà, centre de performance et de préparation, voilà, athlétique. Qu'est-ce qu'on a ici dans cette pièce? Il faut avoir de la force pour soulever tous ces poids, ces ballons sur toutes ces machines de musculation. Ouais, il y a vraiment beaucoup de machines et puis des machines qui sont très spécifiques, mais surtout en fait une salle qui est intéressante parce qu'on peut s'entraîner. Enfin, tous les sports peuvent s'entraîner ici. Hein, c'est une salle vraiment qu'on a voulu modulable et qu'on soit cycliste, haltérophile, handballeur, on peut venir s'entraîner dans cette salle. Je vous emmène avec moi. On va se balader un petit peu dans cette pièce. Qu'est-ce qu'on a de vraiment moderne ici, du dernier cri? Alors on voit que tout est floqué crêpes, hein, notamment. J'ai vu tout à l'heure sur les installations. Qu'est-ce qui vous voudriez ressortir de cette salle en particulier? Bon, toute la partie force, hein, qui est super intéressante, que nous on a dans aucune salle ici au Krebs. Voilà, avec des plateformes de force justement où on peut travailler vraiment en haltéro et puis qui sont modulables aussi avec d'autres bancs qu'on peut amener sur ces plateformes. C'est l'intérêt aussi là de ce système là. Et puis après on a aussi plein d'autres appareils qui sont intéressants, aussi bien les vélos, les tapis pour courir. Là ça c'est intéressant pour tous les sports. Qui va venir s'entraîner ici, faire de la musculation, soulever des poids, faire tous ces exercices-là que Clément adore? Ben nous, là, c'est donc les athlètes du Krebs déjà, hein, qui sont internes ici et puis qui sont aussi inscrits ici au Krebs. Hein. Il y a donc 250 athlètes au Krebs. Et puis après, c'est des délégations ou des clubs sportifs qui voudraient venir s'entraîner au Krebs, passer une semaine, par exemple, d'entraînement ici. D'accord, donc on va continuer la visite évidemment Clément tout l'après-midi et j'ai deux pièces passionnantes, fascinantes, futuristes à vous faire découvrir avec Denis Clay. Clément, on y va maintenant? Oui, allez-y. Non, on va faire une petite pause musicale. Adrien, juste une chose, il y a une petite pause musicale là. Je sais que vous êtes un peu jaloux de mon physique, n'hésitez pas à faire de la muscu, vous allez voir, ça peut être vachement impressionnant et votre corps peut changer vite, hein, vous allez voir. Hein. Bah promis, il y a de quoi faire là. Le temps d'une petite musique, dans 5 minutes je reviens, je suis complètement bodybuildé. Et puis ce qu'on va faire également, c'est avec Denis Clay, on va essayer de voir si de jeunes commentateurs sportifs ont envie de trouver peut-être quelque chose, parce que je sais que devenir professeur, et c'est le futur pour vous, Adrien Beria, donc pourquoi pas donner des cours, vous qui êtes le meilleur commentateur sportif de France, je le rappelle. Allez, on se retrouve tout à l'heure, Adrien, juste après Eddie Depreto, c'est Love and Tendresse. C'était le début des années 20, le début de la fin sûrement. Toi tu courais toujours en vain, ouais tu aimais gagner ton temps. Dans les trop tards de tes 30 ans, ouais tu étais déjà sous l'eau. Et tout l'apnée de ton dedans semblait te lancer des signaux. Tu changeais d'appartement, pour une dixième fois peut-être. Tu te lavais dans les fêtes, entre bureau et tristesse. C'était peut-être ça la vie, t'en étais persuadé aussi. Jusqu'à ce qu'enfin tu découvres qu'il existait l'amour. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes, pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes, pour attraper le temps qui presse. Fermé sans sentiment, tu as tenu longtemps comme ça, à faire des petits bâtons de sang sur les murs de ton célibat. Puis si tu vois ce que tu rates, tu n'auras pas mon amour mille fois. Alors que le taf s'en relâche, tu pourras y revenir sans moi. un peu de love et de tendresse. Finalement, c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse. Finalement, c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes pour attraper le temps qui presse. Un peu de love et de tendresse. Un peu de love et de tendresse. Un peu de love et de tendresse. Un peu de love. Un peu de love et de tendresse. Tendresse, c'était Eddy de Préto sur France Bleu Bourgogne. Jusqu'à 19h ce soir, nous justement profitons de cette inauguration du Krebs, un endroit on ne peut plus important pour développer les jeunes sportifs de demain. Et que même ce lieu peut servir aussi aux sportifs de haut niveau, Adrien Beria, parce qu'il y en a des sportifs de haut niveau qui sont présents ici au Krebs et qui peuvent justement avoir toujours ces performances en s'entraînant ici. Et ils sont même des centaines à s'entraîner ici, des jeunes, des moins jeunes. Clément, on a vu cette salle pour faire de la musculation sur 800 mètres carrés quand même, cet espace dans le nouveau bâtiment du Krebs qui est inauguré cet après-midi, ce C2PA, le centre de préparation et de performance athlétique. Et on est toujours avec Denis Clé qui est responsable de l'accueil des délégations sportives. Denis, on a fait quelques pas, on a quitté la grande salle où il y a toutes les machines et là on est dans une salle un peu plus petite avec là aussi des appareils de musculation, mais elle a une particularité, cette salle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors oui, cette salle, en fait, on peut s'entraîner quand il fait super chaud. C'est-à-dire que quand moi je suis en hiver en France et que je dois aller faire une compétition dans un endroit où il fait très chaud, ben dans cette salle-là, je peux m'entraîner à la température justement du pays où je vais aller pour faire ma compétition. Quand vous dites chaud, c'est-à-dire? Je sais pas, si je veux m'entraîner à 35 degrés, c'est possible de s'entraîner dans cette salle à 35 ou 38 degrés par exemple, parce que dans le pays où je vais faire ma compétition, il fait très chaud. On peut monter jusqu'à 50, 60 degrés, je crois. Ouais, enfin, on peut pas griller sur place, c'est pas possible. Hein. Mais en tout cas, oui, on peut monter assez haut au niveau des températures. On est avec un expert de la performance sportive à vos côtés, Denis, je vous laisse vous présenter. Donc Éric Rouvasier, conseiller au niveau haute performance à la maison régionale de la performance ici, et on est situé au Krebs. Donc l'idée, comme le disait Denis, c'est de retrouver des conditions ici d'entraînement, des conditions qu'on pourrait retrouver en compétition, donc à l'étranger ou même en France quelquefois. Alors on peut jouer sur la température et on peut aussi jouer sur le taux d'humidité, qui a des grandes conséquences sur les performances sportives. Donc l'idée, c'est de pouvoir jouer sur les deux versants pour déjà s'acclimater aux futures compètes où qu'on peut retrouver avec des taux d'humidité élevés et des températures élevées. Et aussi, des études récentes ont montré qu'on peut avoir des gains sur la puissance, sur la vitesse, sur l'augmentation de certaines qualités physiques en hyperthermie. Par exemple, un sport qu'on peut faire en extérieur, le cyclisme. Le cyclisme dans un pays où il y a beaucoup d'humidité, beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur. Sur le corps, qu'est-ce que ça va apporter au cycliste qui va venir s'entraîner ici? Alors, comme je disais, il y a deux points importants. C'est l'acclimatation. Donc, quand on va faire une compétition, on va avoir des taux d'humidité et des températures très élevées. On va avoir du mal à réguler sa température corporelle. Donc, l'idée, c'est d'habituer déjà le corps à ces taux d'humidité et ces températures. Et le but du jeu, c'est qu'on soit moins surpris à l'arrivée de la compétition. Il y a aussi tout un projet de développement des qualités physiques qu'on peut avoir en s'entraînant en hyperthermie, avec des répétitions de sprint à haute intensité. Et là, on va développer certaines qualités physiques, grandes qualités physiques qu'on va retrouver en compétition. Ce n'est pas dangereux de s'entraîner par des chaleurs aussi élevées? Alors, il faut que ça soit encadré par des experts. Il y a des protocoles quand même qui sont codifiés, qui sont connus depuis quelques années. Donc, on fait pas ça tout seul. On débarque pas dans la salle tout seul et on se dit on va se mettre à 40 degrés avec 85% d'humidité. Il faut que ça soit encadré et que les protocoles soient codifiés. Clément, on va partir dans la salle d'à côté, toujours avec nos experts, toujours ici au Krebs. Là, on était à 50-60 degrés. Je vous emmène en deux pas à 3000 mètres d'altitude. C'est beau, la radio, c'est fort de pouvoir faire ça. Et en plus, sans avoir trop mal aux jambes. Alors, on marche dans ce couloir du Krebs. Vous l'entendez, la sonorité change parce que c'est pas mal de béton. Il y a aussi des grandes baies vitrées. On imagine bien les athlètes venir évoluer ici pour s'entraîner. On passe cette porte vitrée. De prime abord, c'est la même chose. Des machines pour faire de la musculation, un tapis roulant. Ça, c'est un rameur. Ça, voilà, c'est pour faire soulever des poids aussi. Mais cette salle, elle a une particularité. On retrouve Denis Clay qui accueille ici les délégations sportives. On voit pas mal de boîtiers futuristes sur les murs. C'est là que ça va faire la différence. Quelle est la spécificité de cette salle? Alors cette salle, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'entraîner en altitude. Hein. C'est-à-dire que si j'ai envie de m'entraîner à 3000 mètres d'altitude, eh ben c'est possible. Donc on envoie en fait de l'air dans cette pièce qui est du coup raréfié en oxygène. Voilà, c'est ça l'intérêt. C'est ce qu'on appelle l'hypoxie. C'est ce qu'on appelle l'hypoxie, tout à fait. Vous qui êtes expert de la performance, vous trouvez aussi quel type de sport ça peut concerner de s'entraîner comme ça à haute altitude au-delà de 2500-3000 mètres? Alors l'idée de base sur l'hypoxie, c'est d'avoir des adaptations cardiovasculaires et au niveau de l'hémoglobine. Maintenant, sur l'utilisation première de cette salle, ça va être une utilisation qui va se faire à travers des périodes de développement où on va chercher surtout à répéter des efforts intensifs, comme pour l'hyperthermie à côté. Et le but du jeu, ça sera une augmentation de tout ce qui est qualité de force, puissance, vitesse. Voilà. Après, dans un but d'augmentation des qualités cardiovasculaires, l'idée est de rester beaucoup de temps en hypoxie. Donc on sera pas sur cette utilisation la première, mais on y viendra petit à petit après. Là typiquement, si on ferme la porte et qu'on appuie sur les boutons et qu'on se met à 3000 mètres d'altitude, qu'est-ce qu'on va ressentir? Alors, si on n'est pas habitué, on va déjà ressentir de l'essoufflement. On peut aussi avoir la tête un petit peu qui tourne. Enfin, tout ce qu'on ressent quand on monte en altitude. Voilà. Donc l'idée, c'est de, comme pour l'hyperthermie, c'est d'utiliser des protocoles cadrés pour pouvoir petit à petit habituer l'organisme. Est-ce que c'est une rareté dans le sport en France, dans les infrastructures ici au Krebs de Dijon, d'avoir ce genre de salle, ou est-ce que c'est quelque chose qui se démocratise, qui se développe de plus en plus, un petit peu partout dans les différents Krebs, les INSEP aussi? Alors ça se démocratise depuis peu de temps. On a quand même maintenant quelques centres qui ont des salles hypoxiques et des chambres hypoxiques, mais on en a pas, ça couvre pas tout le territoire. Voilà, l'idée à Dijon, c'est que on est quand même central au niveau géographique, et on peut vraiment attirer des sportifs qui viennent de partout. Voilà, on a quelques centres en France, mais on n'en a pas pléthore non plus. Bon, on va redescendre un petit peu. Merci beaucoup pour toutes ces explications passionnantes. On va redescendre, mais on va monter d'un étage. On va aller à l'étage du dessus. On a eu chaud là, à 50 degrés, et puis à 3000 mètres d'altitude aussi. Clément, on va aller prendre un bain chaud, bain froid, et puis cryothérapie. La cryothérapie, c'est très très froid. On va vous expliquer tout ça dans quelques minutes, toujours au Krebs de Dijon, avec ce bâtiment qui est donc inauguré aujourd'hui en grande pompe. Il y a sous la halle les discours qui sont en train d'être effectués avec les élus, avec tout le monde, des gens qu'on aura, Clément, tout à l'heure à notre micro. Au micro France Bleu Bourgogne. D'ailleurs, Adrien, il est hors de question que vous partiez d'ici sans avoir été en slip faire de la cryothérapie. Évidemment. Eddie Cohen de France Bleu Bourgogne est là avec son téléphone pour filmer et pour vous mettre tout ça sur tous nos réseaux sociaux. Mais vous l'imaginez. Vous savez à qui sont utiles tous ces éléments? C'est par exemple à une jeune. Alors, tire à l'arc. Comment on dit une tireuse à l'arc? Une archère, tout simplement. Oui. Bah oui, quand on est moins bête que moi, et bien on comprend tout de suite. Bonjour en tout cas à vous, Léa Aline Grégorio. Merci d'être à notre micro sur France Bleu Bourgogne. Pourquoi vous êtes avec nous? Parce que déjà, on vous a vu tirer tout à l'heure. C'était assez impressionnant parce qu'on entendait à chaque fois, vous êtes à combien? 30 mètres? 70. 70? Je sais calculer aussi bien que je connais le nom des archers, voyez-vous. Et vous étiez à 70 mètres à chaque fois que vous touchiez la cible. C'était impressionnant. Ça fait quoi d'être ici au Krebs, de voir toutes les nouvelles infrastructures? Aujourd'hui, vous n'avez pas le choix. Vous savez que vous devez être en or en 2028 ou en 2032. Bah, on espère, on fait tout pour que ce soit le cas. Et c'est très bien, ça montre que la région, la ville et même le Krebs s'y mettent tout à disposition pour qu'on puisse réussir notre projet. Oui, c'est ça, l'objectif c'est celui-ci. À 17 ans, quel est votre projet justement? Parce que vous êtes ici, vous faites du tir à l'arc tous les jours, ou quasiment tous les jours, avec toutes les possibilités possibles au niveau du temps. Il y avait du vent tout à l'heure, avec de la pluie. Vous êtes prête à toutes les conditions en fait, vous pouvez tirer n'importe où. Bah, c'est le but, de savoir gérer le vent, la pluie, tout ça. Et en soi, mon projet, ce serait de décrocher une médaille aux Jeux et d'être dans le haut du classement mondial. Alors 2024, c'est bientôt, ça va être compliqué. C'est pas possible parce que j'ai tenté la sélection olympique a déjà été faite. Je l'ai tenté, j'ai pas été prise. Mais de toute façon, Paris, vous connaissez. Las Vegas, peut-être un peu moins, par contre. Non, j'ai toujours pas mis les pieds aux États-Unis. Ça peut être pas mal, non? Ouais. 2028, tout frais payé avec le maillot de l'équipe de France et toucher. Objectif, hein. C'est ça, l'objectif, c'est ça. Alors, du coup, 17 ans, des championnats du monde, vous avez déjà dû en faire. Porter le maillot de l'équipe de France junior également, j'imagine. C'est quoi le but, la pression pour vous que vous connaissez maintenant? Il y a un champion olympique qui est juste à côté, là, qui sait de quoi il parle. En 2008, il a fait lever toutes les foules. On a entendu la Marseille. Grâce à lui, c'est quand même exceptionnel. Maintenant, vous avez des professeurs comme on est juste à côté de nous. J'imagine l'envie que vous avez. Vous savez ce que c'est que porter le maillot de la France en plus. Ouais. Bah, forcément, ça donne envie de toujours faire plus et de vouloir monter sur la première marche du podium. Et quand tu chantes la Marseillaise pour la première fois ou une énième fois, c'est une fierté. Hein. Ouais, Steve Guinaud, je pense qu'il l'a un peu chanté. Il la connaît un peu, la Marseillaise, presque par cœur. Bon, en tout cas, Léaline, là, vous avez toutes ces infrastructures. Vous avez déjà testé ou pas la cryothérapie, tout ça? Pas encore. Parce que va falloir y aller. Hein. Bah, j'espère bien. Et vous allez voir, j'ai fait, ça pique. C'est très sympa, 2 secondes. Mais quand on reste un petit peu plus, ça pique. Non, ça vous fait pas peur? Non. J'ai déjà fait un bain froid, mais la cryo, ça me tente bien d'essayer. Ouais, parce que surtout, vous, alors, on se rend pas forcément compte, mais au tir à l'arc, on pousse l'arc vers l'avant, on tire la corde vers l'arrière, et là, ça, dans les deux bras, il y a des vibrations. Il faut rester très concentré. Vous devez avoir quand même une musculature plutôt intéressante. Bah, c'est surtout, le dos qu'on met en avant, les muscles du dos, parce que c'est un équilibre à avoir. Et après, c'est pour ça que tout est là, bien sûr, et fait pour que physiquement tout se passe bien. Merci beaucoup, Léaline. On se dit à bientôt. Ouais. On va parler natation. Alors on dit pas natation, on dit nageur, hein, sur France de Bourgogne. On va venir avec vous dans quelques instants, puis continuer avec Adrien Beria à découvrir tout ce qui se passe ici au Krebs avec ce tout nouvel équipement. Ça sera juste après Dépêche Mode, Personal Jesus sur France de Bourgogne. You're wrong. touch faith. Dépêche Mode, Personnel Jésus sur France Bleu Bourgogne. On se retrouve au Crêpes cet après-midi. France Bleu Bourgogne, en direct du Crêpes de Dijon. Jusqu'à 19h. Allez, on se retrouve dans un instant. Salut, c'est Guillaume Pierre. Je vous invite tous les soirs pendant la foire de Dijon entre 16h et 18h à la foire au trésor. Vous aurez moins de 2 heures pour résoudre l'énigme du jour et gagner un smartphone d'une valeur de plus de 750€ et plein de cadeaux France Bleu. Pour vous inscrire, constituez un binôme avec la personne de votre choix et vous appelez maintenant 03 80 42 15 15 et rendez-vous à partir du 1er novembre avec la foire au trésor. France Inter présente « Quels parents sommes-nous ? L'éducation positive en question ». Une conférence interactive animée par Ali Rebbi. Quels outils favorisent une communication efficace parents-enfants ? Et que vaut aujourd'hui l'éducation positive à l'épreuve de la vie quotidienne ? Rendez-vous demain à 20h avec les invités, pédiatres, psychologues et chercheurs, pour parler parentalité et proposer des solutions pour les parents et les enfants. Une soirée unique à la Maison de la Radio et de la Musique, à vivre en direct en ligne. Informations et réservations sur franceinter.fr. Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur MAF.fr. IKEA. Attends, t'es prêt là ? Tada ! Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bon, mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20€ au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Bourgogne, ici, on parle d'ici. Vos conditions de circulation sur France Bleu Bourgogne, du monde au niveau de la rocade est de Dijon à partir du rond-point de la Toison d'Or pour aller jusqu'à Quetigny, du monde également dans le centre-ville de Dijon. Il y a du monde entre Marsannay-la-Côte et Chenôve également. Lorsque vous êtes sur la départementale 974, restez vigilants si vous êtes dans ce secteur. Du monde également dans le centre-ville de Beaune et de Chalon-sur-Saône. Vous voyez un accident qui n'est pas là habituellement. Appelez-nous 03 80 42 15 15. Si vous voulez également savoir un peu comment ça va se passer demain au niveau de la météo, du soleil demain matin, c'est ce que prévoit Météo France. 12 à Autun, 14 au Creusot, également Issurtille et Montbard, 15 à Mirebeau-sur-Bèze, à Dijon et à Chalon-sur-Saône. Et pour demain après-midi, on sera entre 16 et 18 degrés. France Bleu Bourgogne, 200% sport jusqu'à 19h. Clément Lebas, Adrien Beria. On est au Crêpes de Dijon, l'inauguration de ce tout nouveau Crêpes. 25 millions d'euros ont été injectés ici. Il y en a des choses à voir. On vient de faire de la cryothérapie. En tout cas, on va en faire. Parce qu'Adrien Beria, ça y est, il est en slip, il est prêt. Maintenant, il a hâte d'avoir froid. Il fait très très froid. Inauguration du nouveau Crêpes en direct sur France Bleu Bourgogne. Laissez le monsieur parler, Adrien. Mais oui, je suis dans ma cabine, moi je suis pressé parce que on pourrait avoir froid. Bon, là, hein. Pour l'instant, on est toujours tout habillé, c'est une cabine en bois avec peu d'espace quand même, une grande vitre vers l'extérieur. Je vous avoue, pour vous donner les coulisses, qu'on a laissé la porte ouverte parce qu'on avait un petit peu peur de rester enfermé. Dans cette cabine, ça peut descendre la température entre moins 40 et moins 130 degrés, c'est impressionnant. Et on est avec Stéphane Germain qui est expert de la performance sportive, qui intervient ici au Crêpes. Pourquoi un sportif de haut niveau se met dans une cabine comme ça pendant quelques minutes à des températures extrêmes, moins 30 degrés, moins 50, jusqu'à moins 130? Alors déjà, il y a plusieurs choses. Les protocoles, ils sont assez courts, ça dure 3 minutes en général. Et donc, ce qui est intéressant sur une séance très très intense, c'est qu'il va y avoir des adaptations physiologiques. Donc on peut parler de diminution d'inflammation, par exemple, j'ai fait une séance très dure, j'ai les tendons inflammés, et ben la cryothérapie semblerait avoir des effets positifs sur ces inflammations-là. Et la deuxième chose, c'est une amélioration du sommeil. En général, quand on fait une séance de cryo, on dort plutôt bien derrière. On reste debout, on reste assis, comment on se comporte dans ce genre de choses? Alors on reste debout, on a la possibilité de bouger un peu parce qu'on a une protection aux pieds, mais on a quand même la possibilité de le faire pieds nus dans cette salle-là. C'est une particularité, mais c'est quand même bien de bouger un petit peu les pieds, enfin de bouger surtout à moins 130 degrés. On est à l'étage de ce nouveau centre de performance qui est inauguré aujourd'hui. À côté, il y a des hammams, des saunas, des bains froids, des bains chauds. Tout ça, la cryothérapie, c'est compatible avec ça et ça vient même s'ajouter à ce processus pour récupérer. Alors il y a plein de protocoles différents. Il y en a qui sont décriés, il y en a qui marchent très bien, mais on peut parler quand même globalement d'une récupération physiologique et aussi une récupération mentale, on va dire, parce que faire une séance dans le froid. Par exemple, l'hiver, on a des hivers un peu rigoureux à Dijon, faire une séance dans le froid et derrière faire une récup dans le sauna, ça peut être intéressant mentalement aussi. Tous les sportifs qui passent ici au Krebs, toutes les disciplines sont concernées par la cryothérapie ou alors pour certaines, c'est complètement inutile? Non, tout le monde peut avoir un intérêt à en faire. Surtout les sports où on prend des chocs, vous avez parlé d'inflammation, ça peut être des sports de contact, on sait qu'ici il y a des sports collectifs par exemple où il y a pas mal de contacts. Oui, les sports un peu violents ou qui vont apporter des inflammations, c'est là où c'est le plus intéressant. Merci Stéphane Germain, expert de la performance sportive. On va sortir de cette cabine de cryothérapie et on va trouver à la sortie un champion, un médaillé olympique, médaillé d'or, Steve Guénot. Je vous laisse passer juste ici dans le couloir. Steve Guénot, bien sûr, ça vous parle, champion olympique 2008 en lutte à Tokyo, médaillé de bronze à Londres en 2012. Bonjour Steve. Bonjour. On est devant cette cabine de cryothérapie en lutte. On parlait des contacts, de la réduction des inflammations. Je suppose que pour vous, c'est extrêmement utile ce genre de salle pour récupérer après les combats de lutte. Oui, en effet. Je connais très bien parce que j'étais pas mal d'années sur l'INSEP et ils ont la cryothérapie déjà depuis plusieurs années. Et oui, après mes séances d'entraînement, c'est vrai que la lutte, nous, on prend pas vraiment des coups comme un sport comme le rugby ou la boxe, mais il y a pas mal de chutes sur le tapis, pas mal de torsions au niveau des articulations. Et c'est vrai que la cryothérapie, après les grosses séances d'entraînement, eh ben, c'est vrai que ça faisait du bien. Ouais. Pour la récup, c'était pas mal. Steve Guénot avec nous au Krebs, champion olympique en lutte et entraîneur du Pôle France de lutte aujourd'hui. On est là aujourd'hui parce que ce nouveau bâtiment est inauguré. Comment vous le trouvez alors que les premiers athlètes vont commencer à s'entraîner bientôt dans les prochains jours? Il y a la musculation au rez-de-chaussée avec ses pièces pour s'entraîner à plus de 50 degrés, à 3000 mètres d'altitude. On est dans le futur. Ici, en quoi pour vous, pour vos lutteurs, ça va servir? Tout ce que vous avez dit, hein, la musculation et puis l'espace récup aussi. La musculation, la salle elle est magnifique, hein. Et l'espace récup, que ce soit la cryothérapie et même nous les lutteurs, vous savez, on perd beaucoup de poids aussi, le sauna, le hammam et les bains froids aussi, là c'est vraiment pas mal pour la récup. Moi je pense que pour la lutte, ce bâtiment là c'est le top, quoi. Combien de lutteurs s'entraînent ici au Krebs de Dijon? Alors cette année ils sont entre 30 et 35, il me semble, j'ai plus le chiffre exact. Et après nous au niveau de la lutte, si on pouvait faire de la récup une à deux fois par semaine, c'est pas mal, ouais. Et sur les grosses séances d'entraînement et même des fois parfois après les grosses séances de musculation, la récup c'est important aussi. Est-ce que vous espérez placer des athlètes au JO dès 2024 pour vous en lutte ou c'est plutôt 2028 sur la trentaine d'athlètes qui s'entraînent ici? Alors non, ici en fait c'est plus, on va dire c'est les groupes jeunes, cadets juniors, c'est l'antichambre de l'INSEP en fait. C'est le passage obligatoire avant l'INSEP, mais ils sont encore un peu jeunes pour 2024. C'est plus la génération 2028-32, quoi. Ah ouais, donc il faut vraiment les repérer dès aujourd'hui, les entraîner pour. C'est un long chemin avant les Jeux Olympiques. On parle beaucoup des JO parce que ils sont en France, c'est le Graal, mais il n'y a pas que ça évidemment quand on est un sportif de haut niveau. Oui, mais c'est vrai qu'ils sont quand même encore assez jeunes et la maturité en lutte, elle se fait quand même un peu plus tard. Là, c'est des juniors. Très rares sont ceux qui sont encore juniors qui arrivent à aller aux Jeux. Il y en a pas eu beaucoup dans le monde. Et ouais, le chemin est encore long. C'est difficile, mais avec tout ce qu'on a là aujourd'hui autour de nous, on peut que réussir. Ouais, tous les sportifs qu'on croise, les entraîneurs ont un petit peu les yeux qui brillent quand ils découvrent cette nouvelle structure. On a l'impression de faire vraiment un bond en avant en termes de préparation, de qualité. Ça va permettre au long terme de sortir, comme on dit, beaucoup plus d'athlètes ici. C'est le Krebs Bourgogne et aussi Franche-Comté. Ouais, bah surtout ça va aussi faire venir du monde. Déjà. Et puis plus on a d'installations performantes, plus on a de voilà, comme vous avez de la salle de musculation, elle est incroyable, l'espace récup, ouais, voilà, ça va faire venir du monde. Et nous, le sport, la lutte, on a besoin de partenaires, on a besoin de monde sur le tapis, donc ça peut être bénéfique pour nous, quoi. Tiens, justement, puisque vous en parlez, donc vous êtes champion olympique de lutte en 2008. Je vous présente Eddy, qui est le régisseur de France Bleu Bourgogne. Mettez-le au sol. Son téléphone qui s'amuse à nous filmer dans toutes les situations. Voilà, je vous propose, Clément, d'en faire ce que vous voulez, de lui montrer un petit peu votre discipline. Et on vous mettra ça sur les réseaux sociaux de France Bleu Bourgogne. Merci Eddy et au revoir. Merci Steve Guénot d'être passé sur France Bleu Bourgogne. On vous souhaite le meilleur pour la suite. C'est quoi un petit peu les actualités pour vous, pour le Pôle France de lutte? Non, la saison, après nous, c'est un peu plus tard là que ça commence. Ils passent par les championnats de France chaque année, et après les champions de France, les meilleurs Français, ils ont leur saison internationale, les tournois. Et nous, chez les jeunes, c'est championnat d'Europe, championnat du monde. C'est les deux gros objectifs en fait sur l'année, puisqu'il n'y a pas encore les JO tout de suite pour eux. Bonne chance pour tous, Steve Guénot, champion olympique de lutte et entraîneur du Pôle France de lutte. Je vous laisse avec Eddy. Clément, on est toujours ici au Krebs, dans le deuxième étage de ce bâtiment qui est inauguré aujourd'hui. On vous le rappelle, le rez-de-chaussée, la musculation, des salles pour s'entraîner à 3000 mètres d'altitude, pour s'entraîner par 50 degrés là en haut. C'est royal, hein. Le bain chaud, le bain froid, la cryothérapie, tout pour récupérer. C'est la devise, hein. On s'entraîne en bas, on récupère en haut, la devise de ce nouveau bâtiment du Krebs. Juste pour information, donc Eddy, n'hésite pas à le faire parce que Laurent est prêt. Laurent, le directeur de la station de France Bleu Bourgogne, est prêt à donner 2 mois de salaire de plus à Eddy pour juste le voir se faire avoir. Eddy n'est plus là. Eddy est. Ah oui, vous m'étonnez. Ça y est, il est déjà prêt. Bon, merci beaucoup Adrien Berry. On se retrouve dans un instant, bien sûr, pour continuer cette visite. Et puis on va parler natation également avec Hector Denayer. Lui, il va représenter notre pays donc pour les Jeux paralympiques à Paris en 2024. Vous allez en savoir plus. Bien sûr, juste après Jean-Jacques Goldman. Encore un matin, direction le Krebs cet après-midi jusqu'à 19h. Allez, on en profite parce qu'on inaugure quand même un bâtiment de 25 millions d'euros et il y a de quoi devenir très très performant. Jean-Jacques Goldman, encore un matin sur France Bleu Bourgogne. France Bleu Bourgogne, en direct du Crêpes de Dijon. J'adore rencontrer des jeunes champions, mais pas des champions de demain, non, des champions d'aujourd'hui. Bonsoir Victor Denayer. Salut. Nageur de 18 ans, pourquoi champion d'aujourd'hui? Parce que vous êtes quand même troisième lors des derniers championnats du monde, donc de 100 mètres brasse. Vous allez vite, très vite dans l'eau. Bah, ça va, on se débrouille. plutôt bien. Et du coup, cette troisième place, elle vous permet de porter les couleurs ou le slip de bain de l'équipe de France pour les prochains Jeux Paralympiques. Bah non, pas encore. Donc, y a trois volets de qualification. Le premier, c'était à Manchester, du coup, au championnat du monde. Manchester en Allemagne, bien sûr. C'est ça. Il fallait terminer dans un top 2, donc soit premier, soit deuxième. Je termine troisième, donc à une place de la qualif des Jeux, mais prochain volet sera lieu la saison prochaine et j'ai bon espoir de me qualifier. Il manque quoi? Juste un top 2 ou... Alors là, donc la deuxième partie de sélection, c'est le top 4 de la ranking, donc tous les temps de la saison cumulés. Pour l'instant, donc je me trouve troisième sur cette ranking. Et ça passe ou pas à troisième? Et normalement, ça devrait le faire. Faut attendre la fin de l'année, l'année civile, que les derniers temps soient rentrés, mais ça devrait le faire. Et suite à ça, il n'y aura plus qu'à confirmer au championnat de France en mai prochain. Donc là, pas trop de pression. Vous vous dites que vous allez y aller. Là, c'est quasiment fait. Vous êtes troisième sur les derniers championnats du monde. Il n'y a quand même pas beaucoup de raisons que vous ne soyez pas aux Jeux Paralympiques de Paris 2024, quand même. Bah, normalement, non. J'espère bien y aller. Après, c'est pas que je m'entraîne tranquillement, mais je m'entraîne pas pour être troisième. Donc, aujourd'hui, je redouble d'efforts pour essayer de mettre toutes les chances de mon côté à Paris. Bon, on en a vu des nageurs français qui sont en train de cartonner. Je pense à Léon Marchand. On a eu Florent Manoudou, bien sûr, avec l'or, évidemment. Vous avez grandi avec tous ces nageurs olympiques et paralympiques, parce que la France est un grand pays de natation olympique et paralympique. Totalement. Aujourd'hui, on a lors des derniers championnats du monde, on a eu la plus grosse délégation française qui est aujourd'hui en train d'évoluer. En 2019, ils étaient que 9 nageurs. Aujourd'hui, on est 15, donc ça montre bien l'engouement qu'il y a autour des Jeux de Paris et j'ai bon espoir pour demain, que ce soit après Paris, LA ou Brisbane, ça continue de grandir et qu'on soit encore plus fort. Ah, puis ouais, LA c'est pas mal quand même sur le papier. Ah, bah, bien sûr. 2028, là vous arrêterez d'être troisième au championnat du monde. Déjà, vous serez toujours premier. C'est ça. C'est quand même pas mal. Alors, comment la natation est venue dans votre vie? Alors moi, je faisais du foot et pendant l'hiver, il fallait faire un peu de cardio pour garder le niveau et j'aimais pas courir. Alors je me suis retrouvé à nager et au fil des années, j'ai fait des rencontres et aujourd'hui, j'en suis arrivé là. Bah oui, parce que vous êtes arrivé là, des rencontres donc qui se sont bien déroulées et vous arrivez au Crêpes. Le Crêpes, vous en avez entendu parler. Comment est-ce que c'est eux qui sont venus vous chercher pour justement aller chercher des performances? Ils ont dû sentir quelque chose chez vous ou c'est vous qui avez directement contacté le Crêpes? Alors moi, c'était lors d'un stage de détection au niveau national. À la suite de cette semaine de stage, on m'a proposé de faire les détections pour le Pôle France qui était à Bordeaux. Donc j'ai fait 3 ans au Crêpes de Bordeaux et je sentais qu'il fallait que je pousse un peu plus dans mon entraînement et depuis l'année dernière j'ai rejoint Dijon. Dijon proposait plus de choses que Bordeaux? La spécificité de Bordeaux c'est que c'était un pôle handisport et moi aujourd'hui donc j'évolue au sein d'un groupe valide qui est le CAF de Dijon et qui me permet de me faire tirer par d'autres sportifs alors que quand je nageais à Bordeaux c'était moi qui étais devant et qui tirait le groupe et aujourd'hui c'est l'inverse et ça me tire vers le haut. Hector Denayer, donc est nageur, il est avec nous aujourd'hui pour parler de ces Jeux Paralympiques qui arrivent du côté de Paris. Vous avez terminé troisième, on l'a dit, au dernier championnat du monde sur le 100 mètres brasse. Pourquoi le 100 mètres brasse? Le crawl, ça allait pas assez vite pour vous? Non, aujourd'hui, la nage où je suis le plus fort, c'est la brasse. Aussi, de par mon aisance aquatique, c'est ce que je préfère. Et par mon handicap, parce que aujourd'hui nager en crawl avec une main en moins, c'est plus compliqué que si j'avais un pied ou un mollet en moins. Donc de par l'handicap et de par la préférence. Ouais, parce qu'il faut aimer ça. Et pour le crawl, votre handicap, c'est trop compliqué pour aller chercher des performances? C'est pas que c'est trop compliqué, c'est qu'aujourd'hui je suis à un stade de ma carrière où je suis encore jeune et... 18 ans, vous êtes très très jeune encore. Ah, ça va. Non mais c'est vrai, vous êtes au tout début de votre carrière professionnelle en fait. Oui, mais après je pense pas que l'âge ce soit un facteur à prendre en compte. Oh, Kylian Mbappé. Non, je sais pas Kylian Mbappé, j'aime pas mais non, je fais exprès, il a dit il me parlait pas d'âge, c'est pour ça. Oui, bien sûr. Non mais vous avez raison, l'âge ne compte pas. Aujourd'hui dans la vie, il faut faire des choix et la saison dernière, je visais 100 brasses 204, je savais qu'au 100 brasses il y avait possibilité de faire une médaille. au 204 un peu moins. Du coup, bah, j'ai laissé un peu de côté et je me suis concentré sur la brasse. Et aujourd'hui, ça a été un choix payant pour moi et je refais le même choix cette année jusqu'à ce que ça paye. Léon Marchand, 21 ans, il a tout cartonné. Donc oui, à 18 ans, on est capable de faire tellement de belles choses. Et pourquoi pas? Pourquoi pas à Paris? Pourquoi pas pour les Jeux Paralympiques 2024? C'est quoi votre objectif? C'est médaille là? C'est juste médaille pour les premiers et puis l'or, on verra plus tard? Non. Ou c'est l'or tout de suite? Bien sûr, c'est l'or tout de suite. Bon, bah écoutez, on va vous suivre de très très près, Hector Denayer. Merci d'être passé sur France Bleu Bourgogne. Bah, profitez bien du crêpes, hein. Ah, t'inquiète pas. Profitez-en. Pas de soucis pour merci, ça. Merci également, eh bien, tout simplement, au crêpes de nous proposer de voir des futurs ou même des champions actuels qui s'entraînent ici parce que c'est important d'avoir un bâtiment comme on l'a ici au crêpes de Dijon. 25 millions d'euros pour être prêt physiquement. Maintenant, les performances doivent tomber. Ça tombe bien parce qu'on est nombreux à les entendre, les performances. Performance Made in Bourgogne, qui plus est. Allez, Miley Cyrus et Used to be Young sur France Bleu Bourgogne. On se retrouve après ici, au Crêpes, jusqu'à 19h. The truth is bulletproof, there's no fooling you. I don't dress the same. Me and who you say I was yesterday have gone our separate ways. Left my living fast somewhere in the past, cause that's for chasing cars. Turns out open bars lead to broken hearts. I'm going way too far. To be young, you tell me time has not changed me. That's fine, I've had a good run. I know I used to be crazy. That's cause I used to be young. Take one, pour it out, it's not worth crying about the things you can't erase. Like tattoos and regrets, words I never met, the ones that got away. Used to be crazy, messed up, but God, was it fun? I know it used to be wild. Used to be young, Miley Cyrus sur France Bleu Bourgogne. Inauguration du nouveau Crêpes en direct sur France Bleu Bourgogne. Le nouveau Crêpes avec le nouveau Adrien Beria sur France Bleu Bourgogne jusqu'à 19h. Vous êtes tout nouveau, vous êtes tout rasé, tout beau. Tout rasé, oui, c'est encore un petit peu de barbe, mais ouais, un peu plus frais. Vous êtes tout frais, vous êtes tout frais, tout beau. Bon, Adrien, vous avez pu nous faire profiter de ce... On nous dit un vrai petit coup dans l'oreille, il faut que j'arrête de vous embêter. Vous avez pu faire de la cryothérapie, c'est ça? Vous êtes tout frais, là? Non, si on vous touche, vous êtes froid ou ça va? Vous imaginez moins 130 degrés ça doit piquer, pendant 3 minutes, mais ça va pas, hein. Non, non, c'est dangereux. Bon, c'est pas que dangereux, c'est aussi important. Ce bâtiment, je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux un petit peu pour voir à quoi ça ressemble, parce que c'est vraiment exceptionnel en termes d'infrastructure. C'est vraiment un énorme bâtiment avec le dernier cri pour se préparer pour les athlètes. Si avec ça, on n'a pas un champion olympique, alors 2024, ça risque d'être un Hector, petit peu... qu'on vient d'entendre, peut-être pourrait participer à tout ça. Parce que 2024, bon, c'est dans pas très longtemps. 2028, Los Angeles, pourquoi pas voir quelqu'un émerger de ce Krebs. Mais Adrien, qui peut profiter de tout ça hormis vous, avec toutes les personnes que vous pouvez contacter? Alors pour vous dire, il y a 250 athlètes qui s'entraînent ici au quotidien. 50 sont internes, c'est-à-dire qu'ils dorment ici. Ils vivent totalement ici, quoi. Le reste, les 200 restants, eux, vont dormir dans les lycées. On parle de jeunes qui, forcément, ont un bon niveau sportif et qui viennent s'entraîner. Quand on est arrivé, Clément, on les a vus, ça sortait un petit peu de partout. Il y avait des handballeurs, on tellement a vu du tir à l'arc, on a vu du foot, on a vu plein de sports. Et pour vous décrire, on est dans un parc immense, avec des arbres tout aussi immenses. Ça fait un peu campus à l'américaine. Vous voyez les c'est images qu'on s'est dit en arrivant tout à l'heure. De Harvard, de Berkeley. Ça fait comme dans les séries de films. Il y a les soirées après avec les différentes maisons et tout ça. C'est vrai que ça fait un peu ça. Avec des châteaux donc pour héberger les athlètes. Voilà, majoritairement, ce sont des jeunes qui viennent s'entraîner ici. Mais on peut aussi être un sportif de haut niveau. On doit avoir tout à l'heure notamment Jérémy Cabot, qui est un cycliste professionnel, qui vient de changer d'équipe, mais qui était membre de la team Total Energy, qui a fait le Tour de France, qui a fait les grands tours. Le Tour de France. Qui, lui, peut venir s'entraîner ici. Les athlètes peuvent venir bénéficier des infrastructures. Alors tout ça se négocie en coulisses, c'est évidemment un petit peu compliqué. Et sinon, des équipes peuvent dire, voilà, j'ai besoin de venir m'entraîner, j'ai besoin d'infrastructures, des équipes de sport collectif d'ici. Imaginons pour la Coupe du Monde, la Nouvelle-Zélande avait besoin, ils auraient pu venir ici et profiter des infrastructures du Crêpes. Ils auraient pu, et on espère avoir la réponse d'ici 19h, d'ici la fin de l'émission. On aura Pascal Bonnetin, le directeur du Crêpes, d'ici la fin de l'émission. Il y a les JO. Eh oui. Alors on fait un petit peu du lobbying de partout pour dire, venez vous entraîner chez nous, la douceur de vivre en Bourgogne, les belles infrastructures maintenant que c'est inauguré. Pour l'instant, on ne sait pas trop qui va venir ici au Krebs. Il y a de la place, il y a de quoi accueillir 160 personnes pour dormir au Krebs, athlètes olympiques et paralympiques, puisque tout a été fait pour l'accessibilité. C'est l'une des nouveautés aussi avec cette inauguration, et donc on espère d'ici 19h vous révéler qui viendra pour les JO, mais aussi pour les mois qui précèdent. On se rapproche, puisqu'il y a un petit peu de préparation, Clément. C'est pas comme pour une émission de radio, avant un grand événement on se prépare. vous voyez comment vous êtes affreux avec moi, c'est tout ce que vous êtes, Adrien Barrière. Non. Mais on reste ensemble, c'est parce qu'on a... Je taquine. Mais oui, mais vous taquinez bien. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Adrien Berria ici au Krebs de Dijon. Queen, we are the champion. C'est bien pour terminer. Bah oui, forcément, Queen, un petit coup de Queen. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shots and kicks in my face, but I've come through. I need to go on, on, on, on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bow, curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Champions, my friends, and we'll keep on fighting till the Champions. Queen sur France Bleu Bourgogne. Chaque jour avec Willy Rovelli et la tribu France Bleu. Bonjour, c'est moi. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Dans votre prochain numéro de votre grand talk show de la mi-journée sur France Bleu en direct à partir de 13h, tiens, on se posera la question, la prime rénov, est-ce que ça vaut la peine? En plus, il paraît que tout change à partir du mois de janvier, je n'y comprends rien. Eh ben, on y comprendra. Willy Rovelli et la tribu France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Demain, dès 13h. France Bleu présente la comédie musicale incontournable Le Roi Lion. Applaudie par plus de 850 000 spectateurs, toutes générations confondues, la troupe du Roi Lion revient pour une troisième année sur la scène du Théâtre Mogador. Un spectacle grandiose. Le Roi Lion, uniquement au Théâtre Mogador à Paris. Avec France Bleu. MMA, business entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. MMA. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Condition en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical, point de vente soumis au code de la mutualité, conditions sur écoutezvoir.fr. La nostalgie, c'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé « La Nostalvie », à ne pas confondre avec la nostalgie. La Nostalvie, c'est rose et jaune comme le soleil. C'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. « La Nostalvie » de Patrick Sébastien, un récit à savourer. Un livre XO. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Bourgogne. Il est 18h, bienvenue sur France Bleu Bourgogne, on est en direct du Krebs. Mais pour l'heure, ce sont vos informations avec Christophe Tourné. Christophe, les premiers cas de grippe ne sont pas encore arrivés en Côte d'Or, mais on est déjà invité à se faire vacciner. Oui, la campagne de vaccination contre la grippe est lancée depuis hier. On peut passer soit par son médecin généraliste, soit par une infirmière à domicile, ou encore en poussant la porte d'une pharmacie. Des pharmacies qui ne sont pas vues comme une mauvaise concurrence par Emmanuel Debost. Il est médecin généraliste à Plombières-les-Dijon et à la tête du réseau Grippe qui surveille l'arrivée du virus chez nous. Oui, c'est une très bonne solution. Ça se développe et je pense que c'est une très bonne solution pour améliorer la couverture vaccinale. En sachant que par contre, les enfants, cette année, pour lesquels on préconise la vaccination de 2 à 17 ans, eux devront le faire au cabinet médical. La grippe n'est pas une petite maladie. Ça peut engendrer des pathologies, en particulier chez les gens fragiles. On constate que la couverture vaccinale est encore insuffisante dans les populations fragiles en particulier, en particulier pour les femmes enceintes et les gens avec des pathologies à risque. Et d'où l'intérêt de se faire vacciner maintenant. Il ne faut pas attendre et se dire « je vais avancer, attendre le mois de novembre, fin novembre pour me faire vacciner parce que la grippe ne va pas arriver avant ». Ça, personne ne peut le savoir. Et vous, allez-vous vous faire vacciner contre la grippe? On attend vos appels demain matin au 03 80 42 15 15. On parlera aussi de cette campagne de vaccination dans les pharmacies avec l'invité de France Bleu Bourgogne demain matin à 7h45. Nous serons avec Karine Henriot, elle est pharmacienne à Dijon. Contre les escroqueries, il n'existe malheureusement pas de vaccin, mais en revanche, la solution, c'est d'être très vigilant. C'est ce que rappelle la gendarmerie de Côte d'Or aujourd'hui, alors que des escrocs appellent des personnes au téléphone en se faisant passer pour des gendarmes de la brigade financière. Ils demandent à leurs victimes d'aller acheter une carte prépayée pour stopper soi-disant une arnaque. L'arnaque, en fait, elle est là. On vous explique tout en détail et comment réagir sur francebleu.fr. En Saône-et-Loire, la police judiciaire de Dijon vient de démanteler un vaste trafic de drogue qui sévissait dans le département, mais aussi à Lyon, dans la Drôme, et parfois bien au-delà, jusqu'en Normandie. 8 personnes ont été interpellées dans la région de Chalon-sur-Saône, mais aussi à Toulon-sur-Arroux ou encore au Creusot. Elles sont toutes incarcérées. La police a également retrouvé un laboratoire de préparation d'héroïne est saisi pour près de 112 kilos d'héroïne pure et de produits pour la couper, ainsi que 40 000 euros en liquide et des armes. Israël accepte l'envoi d'une aide humanitaire dans la bande de Gaza via l'Égypte. Gaza qui est la cible de représailles israéliennes après l'attaque du Hamas il y a 11 jours. Le président américain Joe Biden affirme ce soir que la frappe de l'hôpital de Gaza la nuit dernière n'a pas été l'œuvre de l'armée israélienne mais d'un tir de roquette hors de contrôle tiré par un groupe terroriste selon le président américain. Dans ce conflit, 24 Français sont morts, 7 sont toujours portés disparus et plusieurs probablement sont toujours retenus en otage dans la bande de Gaza. C'est ce qu'annonce cette après-midi, la première ministre Elisabeth Borne devant le Sénat. Le conflit au Proche-Orient, mais aussi les attentats à Arras et en Belgique, se traduisent maintenant par de multiples alertes à la bombe. Le château de Versailles et 9 aéroports régionaux ont dû être évacués aujourd'hui. Les fausses alertes à la bombe et les fausses menaces d'attentats se multiplient ces derniers jours, notamment dans des lycées. On a aussi eu le cas à Dijon. Et ça mobilise forcément à chaque fois de nombreuses forces de l'ordre, Aurélien Tirard. Comme dans ce lycée parisien cet après-midi, alerte générale, les policiers reçoivent un appel. Une élève vient de se faire agresser à la machette par un individu. Les équipes d'intervention de la BRI se déplacent immédiatement, sauf qu'il s'agit d'un canular, un de plus. Mais à chaque fois, les policiers doivent réagir dans l'instant, avec un protocole lourd. Au château de Versailles, évacué 3 fois depuis ce week-end, une 60aine de personnes interviennent à chaque fois. Des démineurs jusqu'à 5 chiens du raid ou de la gendarmerie spécialisés dans la recherche des explosifs. Et pendant ce temps, environ 10 000 personnes évacuent les lieux. 168 écoles sont concernées depuis la rentrée. Les médias aussi. Les équipes de France 3 à Reims ont évacué leurs bâtiments hier. Au musée du Louvre, les démineurs ont dû inspecter ce week-end 60 000 mètres carrés pendant tout un après-midi. Le laboratoire central de la police parisienne a été mobilisé. Et après, il s'agit de mettre la main sur les auteurs de fausses alertes. Un travail difficile commence alors pour les enquêteurs spécialisés dans le cyber. Pour rappel, faire une fausse alerte est puni de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Ça n'aura pas tardé. Elisabeth Borne a déjà eu recours au 49-3 dans le vote du budget sur le volet recettes. La France insoumise et le Rassemblement national annoncent déjà le dépôt de motion de censure. En basket, c'est un gros match qui attend ce soir nos Dijonais de la JDA en Ligue des Champions. Ils reçoivent les Lituaniens de Vilnius au Palais des Sports. Un match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Bourgogne à partir de 20h. Et puis en foot, c'est dans quelques minutes qu'on connaîtra le résultat du tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France. On saura donc qui seront les prochains adversaires du DFCO, mais aussi des clubs d'Isselonger et de la SPTT Dijon. La météo en Bourgogne, c'est avec Clément Lebas, en direct du Creps de Dijon. Oui, tout à fait, vous avez raison Christophe, ici en direct du Creps. Eh bien écoutez, déjà on a un peu de pluie autour de nous, au-dessus du ciel donc de Dijon, et ça va être la même chose demain, c'est ce que prévoit Météo France. On aura des éclaircies demain matin, on sera entre 12 et 15 degrés, et puis demain après-midi 16 à Saulieu et au Creusot, 17 à Châtillon-sur-Seine, à Auxonne ou encore à Chenôve, et 18 degrés à Montbard et Chalon-sur-Saône. Pour ce qui est de la route maintenant, quelques ralentissements toujours dans le centre de Dijon et au niveau du rond-point de la Toison d'Or. Des ralentissements également à Chalon-sur-Saône. Lorsque vous essayez de traverser la Saône, hein, quand vous venez du centre commercial de Chalon, vous restez bien vigilant. Si vous voyez un incident, accident inhabituel, appelez-nous 03 80 42 15 15. France Bleu Bourgogne, 200% sport jusqu'à 19h. Clément Lebas, Adrien Beria. Pourquoi 200% sport? Parce qu'on est ici dans les jardins du Creps. Le Creps nouvelle génération. Parce que 25 millions d'euros ont été investis ici pour que les sportifs et sportives puissent aller chercher des performances jamais vues ici, peut-être en Bourgogne. On veut de l'or, mais pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Alors vous savez quoi? Pour ça, il y a un nouveau centre d'hébergement. On va aller y faire un petit tour avec Adrien Beria. Oui, dans le bâtiment. France Bleu Bourgogne, en direct du Creps de Dijon. Alors, j'ai entendu, on est dans le bâtiment. Alors, Adrien Beria, vous n'êtes pas sur un lit. Hein. Dites-nous tout, vous êtes en train de visiter. Hein. C'est la seule info. On est le bâtiment. Dans le bâtiment Notos, qui est un petit peu loin, quelques centaines de mètres de vous, du studio et du bâtiment qu'on a inauguré tout à l'heure. Le bâtiment Notos, 38 chambres, dont 16 pour les personnes à mobilité réduite, avec des vestiaires, avec tout pour se préparer. Alors, avec David qui me suit pour les moyens techniques, eh bien, on va visiter ça. Là, on est dans une chambre avec un placard, une petite pièce pour la salle de bain. Et ça, c'est sur 3 étages avec des dizaines et des dizaines de chambres pour héberger les sportifs, les sportives qui vont venir s'entraîner ici à Dijon pour les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Aussi, on va descendre les escaliers avec David pour continuer cette visite, parce que c'est l'autre nouveauté de ce jour et de cette inauguration. C'est non seulement la performance physique, Clément, mais c'est tout ce qu'il y a à côté, la récupération après les rencontres, après les entraînements aussi. On l'a vu avec la cryothérapie, on l'a vu avec les bains chauds, les bains froids. Et bien là aussi, ça fait partie, tout ce lieu de vie fait partie de ce contexte de récupération. Et franchement, les chambres, elles sont pas mal, hein. Moi, bon, je suis étudiant, ça me plaît beaucoup, sportif de haut niveau aussi. Alors en bas, on a aussi des vestiaires, des salles communes, et tout ça à proximité, et bien des endroits pour s'entraîner. Là, on sort en face, on a le dojo pour les sports de combat. Et on va continuer la visite avec David, parce que tout le monde est un petit peu parti pour tout vous dire, et on va suivre la suite de cette inauguration. En tout cas, c'est un bâtiment blanc, on le voit, hein, il est tout neuf. Il ressort à côté des bâtiments un peu plus anciens dans ce Krebs de Bourgogne-Franche-Comté. Et Clément, je vous le disais, eh bien c'est la grande question: qui vivra dedans au moment des Jeux Olympiques de 2024 en juillet prochain? Parce que on espère voir des délégations étrangères ou françaises venir ici vivre dans le centre d'hébergement pour les sportifs de haut niveau dans ce Krebs de Bourgogne-Franche-Comté. Alors qu'on va entrer dans le dojo avec David, c'est juste en face de ce nouveau bâtiment, de ce bâtiment d'Otos. Ah oui, magnifique. Le dojo, on le rappelle, c'est pour les sports de combat au sol. Exactement, le dojo, judo, on va monter exemple. Bonjour, on est pour France Bleu Bourgogne. On se fait visiter en direct à la radio les installations du Krebs avec le nouveau bâtiment qui est inauguré là-bas. Et donc ici, on est dans le dojo. C'est bien ça. Voilà, on voit Maître Jigoro Kano qui est le... sur l'événement du regroupement. Plusieurs départements. Eh bien, on va regarder ça. Merci beaucoup pour ces informations. On monte quelques marches. C'est pour vous faire voir ce qu'est le Krebs au quotidien, parce qu'on parle beaucoup des JO, mais ce sont aussi des jeunes au quotidien qui s'entraînent. Et là, on a de beaux tatamis, un dojo, quelques dizaines de jeunes de tous les âges, des enfants, des adolescents. Et on en est à l'échauffement avec le prof de judo pour ces jeunes qui s'échauffent et qui seront peut-être demain les talents du judo formés made in Bourgogne. Voilà pour cette petite tranche. Adrien, au niveau du Krebs, c'est dans ce dojo du Krebs. Adrien, vous êtes un grand pilote, c'est ça, c'est-à-dire la Formule 1, les rallyes, Sébastien Loeb, vous êtes bon. Ah, complètement. Parce que, oui. En fait, il y a votre voiture qui vient d'arriver là, juste devant les studios de France Bleu Bourgogne. J'espère que vous êtes chaud, parce que je crois que vous allez avoir des tours à faire, on ne peut plus intéressant dans quelques instants. Là ou plus tard, on fera du skateboard, par exemple. Mais j'ai appelé pour avoir Pierre Gasly ou Esteban Ocon, l'un des deux pilotes de Formule 1 français. Pierre, il m'a dit qu'il voulait plus vous parler. Il n'était pas dispo, donc on a Eddie Cohen, a priori, de France Bleu Bourgogne, qui va s'occuper de faire ça. Il est dangereux, Eddie Cohen. Merci beaucoup, Adrien. On se dit à tout à l'heure, peut-être dans la voiture. Et puis également, il y a tellement de personnes à rencontrer ici au Krebs cet après-midi sur France Bleu Bourgogne. Le Krebs réouvre ses portes d'une nouvelle manière, avec tellement de nouvelles choses à vous présenter. Eh bien, vous savez quoi? On va s'y retrouver dans un instant. D'abord, Christine and the Queen, c'est Christine sur France Bleu Bourgogne. Ça ne tient pas. simple moitié, on compte à demi-demi. Pile sur un des bas-côtés comme des origamis. Le bras tendu pareil, cassé, tout n'est qu'épié et clié. Ces enfants bizarres, crachés dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le griffoir. Et une creepy song en étendard qui fait. Elle est nantaise, Christine de Christine and the Queen sur France Bleu Bourgogne. France Bleu Bourgogne, en direct du Crêpes de Dijon. Mais qui a dit que les élus n'aimaient pas le sport? C'est une boutade, on est avec le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, Franck Robine, bonjour. Bonjour, merci. Bonjour aux auditeurs. Bah écoutez, merci d'être avec nous, également à vos côtés, eh bien, nous avons la présidente de la région, Marie-Guide Dufay, bonjour. Bonjour. Ça nous fait plaisir de vous avoir tous les deux aujourd'hui, parce que bon, vous nous l'avez dit, vous sortez d'une séance d'à peu près 500 pompes chacun. Comment vous êtes là physiquement? Super. Ouais, je vous sens bien là. Hein, très très bien. Hein, en tant que présidente de région, vous avez le temps en plus généralement, c'est quoi? C'est, oui. Non, vous arrêtez à 100, 150 pompes le matin? Oui, oui, à peu près. Bon, c'est quand même génial d'avoir ici au Crêpes de Dijon, l'un des 17 Crêpes de France, eh bien ce tout nouveau bâtiment qui nous permet d'aller eh bien très très haut dans le ciel, également de tomber à des températures très très basses. Ça vous inspire quoi, monsieur le préfet? Parce que là, s'il n'y a pas de médaille d'or, on va quand même se fâcher là, non? Là, c'est vraiment pas un Crêpes parmi les 17, c'est non, le Crêpes. C'est le Crêpes. Il y a des équipements qu'on a vus pour le sport de haut niveau qui sont exceptionnels, qui en font un élément d'attractivité de la région très très fort, hein, vraiment. On est justement, vous la présidente de la région, j'imagine, votre joie, Marie-Guide Dufay, quand on voit ça, ce bâtiment, toutes les infrastructures, tout ce qu'il y a dedans. C'est magnifique, et en plus c'est un bâtiment qui répond aux normes d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire qui respecte l'environnement, qui est fait avec des matériaux biosourcés, qui respecte vraiment les économies d'énergie. Et puis c'est un, pour l'ensemble des réalisations, il y a eu un souci de très grande accessibilité pour les sportifs handi, hein. Et ça c'est vraiment une caractéristique aussi. Je pense que on a avec cet équipement le top des équipements qu'on peut trouver de ce niveau en France, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment un phare pour notre région. Les sportifs qui veulent être dans les meilleures conditions en France pour s'entraîner, c'est ici à Dijon, Bourgogne-Franche-Comté qu'ils viennent. Faut le dire. Oui. Faut le dire. Vous avez raison, voilà, de le dire. Tout à fait. Quand on est préfet et président de région, déjà dans un instant, je vais vous parler du sport que peut-être que vous faisiez plus jeune. Mais là, qu'est-ce qui vous attire de plus? Imaginez, vous êtes jeune sportif ou sportive. Qu'est-ce qui vous fait venir ici, monsieur le préfet, pour commencer? Il y a le cadre, parce qu'on est dans un environnement très vert, et puis il y a les équipements qui sont à la pointe, hein, parce que là, on est sur du sport de très haut niveau. Tout à l'heure, je parlais avec un jeune qui avait 16 ans, je lui ai demandé quels étaient ses objectifs, il m'a dit une médaille au JO. Et ça veut tout dire. Ah ouais, ça veut tout dire. Enfin bon, il se fixe un niveau d'ambition très très élevé. C'est rafraîchissant, hein, d'ailleurs, de voir ces jeunes faire ça. Et là, ils ont un équipement pour y parvenir, quoi, à la hauteur de leurs ambitions. Et vous, madame la présidente de la région, qu'est-ce qui vous ferait venir ici? Il faut avouer que le site est formidable, hein. C'est quand même un site en milieu urbain qui est totalement raccord avec la nature. Mais je vous dis, c'est des bâtiments hyper modernes, hyper accessibles pour tout le monde, et y compris pour les sportifs handicapés, et avec des équipements top de top. Hein. Des équipements pour s'entraîner et des équipements pour récupérer les hammams, les saunas. Puis je ah oui, dis ça, pas. Ça fait rêver. on a fait un bon moment tout à l'heure. Ouais, c'est ça, vous étiez ensemble du coup à visiter tout ouais. ça, bien sûr. Alors on a Hector Denayer qui est passé il y a quelques instants. Lui, il est nageur paralympique et vous savez exactement ce que vous disiez, Madame la Présidente de Région. Son objectif, c'est d'avoir l'or. Mais dès Paris 2024, il a 18 ans, ils sont morts de faim, les jeunes, aujourd'hui. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important, hein, bien sûr. Ah oui, oui, et je pense que on parle pas assez du sport des sports paralympiques, et ça vraiment ici on a tout pour accueillir les sportifs qui visent le plus haut niveau et tous les sportifs en dit, hein. Et ça c'est chouette parce que c'est inclusif, c'est solidaire, c'est cette solidarité qui voilà qu'on recherche, cette fraternité par le sport, mais voilà il faut pouvoir l'accomplir, hein, et on vient de voir aussi les chambres d'internat pour accueillir les jeunes, pour les héberger, et les chambres qui sont réservées à ceux qui sont handicapés, bah elles sont totalement adaptées, je vous le dis. Il y en a 16, veut... hein, c'est ça ? Excusez-moi, pardon, oui. je vous ai coupé, excusez-moi. Il y en a 16, c'est ça, des chambres pour les personnes atteintes de handicap ? Non, c'est juste pour donner l'information, ouais. excusez-moi. Ouais. Je vous ai coupé. Oui, c'est ici qu'il faut venir, effectivement, pour s'entraîner dans les meilleures conditions, c'est incontestable. Vous parliez de sport paralympique, j'ai juste un petit coucou à faire à Sébastien Verdun. Il est joueur de l'équipe de France de rugby fauteuil, il a commencé sa Coupe du Monde aujourd'hui, lui qui joue à Nuit-Saint-Georges, et juste un petit clin d'œil pour lui, on pense fort fort à lui. Parce que ouais. leur objectif au gala, c'est ouais. d'aller chercher l'or aussi ouais. pour les prochains Jeux Paralympiques. Ouais. Si on parlait de sport un petit peu avec vous, alors bien sûr, je ne vais pas vous embêter avec les résultats des équipes locales, mais vous faisiez quoi comme sport, monsieur le préfet, avant ? Si vous en avez fait. Oui, bien sûr, j'ai joué pendant très longtemps au football. J'ai même été. Vous savez, au foot, c'est très simple. Hein. Au début, vous jouez avant, puis au fur et à mesure que vous vieillissez, vous reculez. Donc, voilà. Non, j'ai joué à un très haut niveau et pendant très longtemps, jusqu'à 40 ans. Au très haut niveau, c'est-à-dire ? Eh ben, j'ai été en sport universitaire. J'étais en finale de sport universitaire. Ça joue un peu. Ça joue un peu. Oui, mais j'ai beaucoup perdu. Hein. La différence entre vous et moi, c'est que vous décaliez de haut en bas sur le terrain. Moi, c'était de droite à gauche et j'ai commencé très à gauche pour terminer sur le banc puis en tribune. C'est la seule différence qu'il peut y avoir avec nous. Madame la Présidente de région... Moi, je ne suis pas à ce niveau-là du tout. Non, du mais tout, c'est pas grave. Vous avez fait du sport. Vous en faites peut-être encore aujourd'hui, d'ailleurs. Oui. Bah, moi, je faisais de l'athlétisme avec l'école. Et puis, je faisais du tennis aussi. Hein. Je suis allée très, très... Ah oui, tennis. J'avais un très bon revers au tennis. Un peu comme Roger. On vous appelait la Roger de Bourgogne. Mais j'aimais beaucoup. Et puis, maintenant... Je suis sportive dans le sens où j'adore marcher, hein, mais marcher, grimper, faire des trails, des choses qui. Mais voilà, attendez, ça bouge déjà. Il y a du cardio. Efforts, hein. Ouais, oui. Je suis montée à 4000, 5000. Voilà. Ah oui, quand ouais. même. Oui, vous faites pas semblant. Oui. Donc là, en fait, la salle. Quand il y a des Andes, voilà. Ouais. La salle, il vous manque juste les 3000 mètres vraiment à monter. À vrai dire, cet équipement là de froid, c'est vrai que je le trouve assez fascinant. Oui. Écoutez, ouais. vous pourrez tester. J'ai une dernière question pour terminer. Les Jeux Olympiques 2024, ça se passe à Paris. Quelles répercussions vous espérez, monsieur le préfet, en Bourgogne ? D'abord, on va sans doute accueillir des équipes qui viendront se préparer. C'est en cours, il y a eu beaucoup de possibilités. Vous en serez les premiers informés. Et surtout, au-delà de l'événement, c'est développer la pratique sportive des Français. Dès le plus jeune âge, il y a des choses qui ont été faites pour l'école. La demi-heure de sport en école primaire chaque jour. La volonté aussi d'avoir à travers le passeport. Par exemple, on me disait tout à l'heure qu'il y a 50 000 personnes en Bourgogne-Franche-Comté qui bénéficient du passeport. Ça leur permet de s'inscrire dans un club de génial, sport. Ça, c'est génial. Et je pense... Et donc, c'est ça aussi. Il y a le sport de très haut niveau... Et puis, accompagner les Français pour qu'ils fassent du sport, pour qu'ils bougent, c'est aussi un objectif de santé publique. Marie-Guide Dufay, pour vous ? Moi, ce que je pense, c'est qu'un équipement comme cela, non seulement va nous servir par rapport au sport de haut niveau, mais je pense qu'il va servir pour le sport tout court. Hein. Et ça va vraiment dans le très bon sens, parce que il faut qu'on fasse faire plus de sport à nos jeunes. Peut-être qu'ils en font beaucoup plus maintenant qu'on en faisait de notre temps, mais enfin, on fait encore partie de ces cultures où on apprend plutôt à être des têtes bien faites et pas forcément des corps bien faits. Et l'un ne va pas sans l'autre, et il faut vraiment, vraiment le dire, le marteler. Et ici, ben, on peut vraiment accueillir tous les sports. C'est le retard qu'on a pris par rapport aux États-Unis, par rapport aux pays du Nord, également les pays scandinaves qui arrivent à faire plein de choses. Oui, par rapport aux pays asiatiques.